Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.